Nous allons commencer aujourd'hui avec Luca qui va nous parler de la psychiatrie en Italie. Et salut à tous et merci pour l'invitation. Donc, je viens ici vous parler un peu de la psychiatrie. Et notamment, pourquoi la psychiatrie en Italie? Parce que je pense que ça a à voir avec le mouvement de place de la République et ce qui se passe aussi aujourd'hui en France. Et par rapport aussi à la loi travail. Donc, j'essaierai de créer, de vous montrer les liens qu'il y a entre la psychiatrie, le monde de la psychiatrie, qui est en danger aussi en France aujourd'hui, et les pratiques psychiatriques, et en Italie et en France. Donc, je voudrais commencer par dire que sûrement, il y a une question de pratique dans la psychiatrie, c'est-à-dire que la psychiatrie, nous, je suis psychiatre, on est censé prendre en charge un certain type de souffrance, et cette souffrance psychique, elle peut être prise en charge selon différents types de pratiques. Évidemment, j'ai appelé cette intervention « Utopie de la réalité », c'est une phrase d'un psychiatre italien, Basaglia. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a différents types de pratiques. Alors aujourd'hui en France et je dirais dans le monde en général, on va vers des pratiques assez musclées, je dirais, qui se basent surtout sur la contrainte. Vous voyez bien que la psychiatrie, on parle psychiatrie, ça veut dire aussi folie. Donc folie, c'est qu'on peut pas prévoir, c'est qu'on peut pas gérer bien, c'est qu'on peut pas régler, contrôler. Une psychiatrie qui est musclé, qui se base sur la contrainte, par exemple le soin, et une psychiatrie qui peut gérer ce type de souffrance, ce type de choses incontrôlables qui se passent dans la société. Évidemment, ça au prix des droits des personnes, au prix de la liberté, d'une dérogation à la liberté de chacun. Donc, aujourd'hui, c'est presque inenvisageable. Moi, j'étais, il n'y a pas longtemps, interne en psychiatrie. Et c'est presque inenvisageable de proposer d'autres choses. Donc, je suis ici pour vous dire qu'il y a aussi d'autres possibilités. Quand je dis d'autres possibilités, je pense surtout à une psychiatrie, pas que de la contrainte, mais qui peut se décliner, peut décliner cette contrainte, par exemple aussi par rapport aux médicaments. Pourquoi je critique ça? Pas pour les médicaments en eux-mêmes, et pas pour la contrainte en elle-même, mais parce que une psychiatrie de la contrainte, une psychiatrie des traitements pharmacologiques, est forcément une psychiatrie qui s'éloigne de l'individu. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à la personne, mais on met surtout en valeur ce qui est étranger, qui est extérieur à la personne, un trouble, quelque chose qui arrive de l'extérieur. Par contre, il y a un type de psychiatrie qui croit surtout que la souffrance... qui croit que la souffrance est liée à un contexte social et au vécu de l'individu. C'est une charge, je dirais, assez compliquée pour le psychiatre. Bon, peut-être je termine après. Moi je dirais que... Oui, justement... Ouais. C'est ça. Comment proposer une formation et comment proposer une loi et une gestion de la souffrance mentale qui soit empathique? Alors, aujourd'hui en France, la loi est basée sur un concept très simple. C'est-à-dire, le psychiatre doit évaluer s'il y a un péril imminent et donc un danger pour la personne et pour la société. Donc, on évalue ça. comme vous voyez, ce n'est pas un point de vue médical. C'est-à-dire que nous, en tant que médecins, on est formés pour trouver et pour essayer de traiter des maladies. Mais ce n'est pas facile et donc on est avec Condoit qui nous impose d'évaluer un danger et un danger surtout pour les autres. Donc, l'utopie serait quoi ? Serait surtout de sortir de cette contrainte pour le psychiatre d'évaluer le danger, d'être toujours un contrôleur de la société. Je me trouve souvent devant des personnes qui sont plutôt un danger pour les autres et moi je me trouve à prendre des décisions qui sont pas forcément liées à leur santé, mais qui sont liées à un contrôle de ce qu'ils pourraient faire et qu'ils n'ont pas encore fait. Donc, je voudrais vous parler aussi de la loi en Italie, parce que cette loi est un peu différente par rapport à la loi française. Et je pense que ça a à voir avec le contexte politique actuel aussi en France. Pourquoi ? Parce que cette loi en Italie a été votée dans un moment historique qui ressemble un peu à celui qu'on a en France aujourd'hui. C'est-à-dire il y a une gauche qui ressemble à la droite, qui s'accorde avec la droite, une droite qui est extrémiste, et donc il y a une partie de la population qui n'arrive pas à exprimer ses positions. C'est pourquoi on est ici, je pense. Donc, cette loi est arrivée en 1978 et a été appliquée plus tard. Et c'est une loi qui a réformé le concept de psychiatrie. D'abord, c'est une loi qui a fermé les hôpitaux psychiatriques, les asiles. Vous savez que, évidemment, pour un contrôleur social, c'est plus simple contrôler avec une contrainte aussi physique, donc enfermer les personnes, et chambre d'isolement, je veux dire camisole, et tout ça. Alors, en Italie, ce mouvement-là a critiqué justement ces pratiques. Et donc, ils ont essayé de démontrer qu'il est possible de faire autrement. Fermer les hôpitaux ou prévoir des unités de maximum 15 lits. Une autre chose que la loi en Italie prévoit, et que il n'y a pas le médecin, il n'est pas concerné par le danger et par le contrôle social. C'est-à-dire que le médecin ne doit pas évaluer si la personne est dangereuse pour les autres ou pour elle-même. Il doit évaluer si elle a un problème, elle a un problème psychique. C'est ça. Et une autre chose encore, c'est que tout type d'hospitalisation et surtout la contrainte, évidemment, contrainte aux soins, peut se faire seulement si toutes les mesures extérieures, donc le suivi au domicile, par exemple, ont échoué. Donc, évidemment, ça réduit énormément les hospitalisations. Tout ça pour dire que la loi, c'était en Italie un point de départ. Et aussi ici, en France, il y a eu tout un mouvement qui a créé ce qu'on appelle ici le secteur. Les secteurs, c'est-à-dire qu'on essaie d'aider les gens qui souffrent psychiquement au domicile, dans la ville. Mais il y a un aspect important du secteur en France et de la loi italienne qui donc sont liés, comme je vous ai dit, font partie, je dirais, d'un même mouvement d'idées dans les années 60 et 70. C'est-à-dire qu'on renvoie cette souffrance sociale aussi à la société. C'est-à-dire qu'on croit dans ces lois et dans ce type de psychiatrie, que la société doit accueillir ce qui est différent, et différent dans le sens aussi d'une maladie. Donc on ne peut pas nier, on ne peut pas cliver cette maladie de la société et la mettre pratiquement dans des asiles, mais on doit réintégrer tout ça dans la société, parce que ça fait partie de la société, et je dirais que c'est même une ressource pour la société. Donc, vous voyez la différence par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec la loi qui va être votée et qui va être qui a été déjà votée, qui va être valable à partir du 1er juillet. C'est une loi en France qui commence à casser cette structure psychiatrique territorialisée qui vise surtout la réintroduction de la personne dans la société et les changements sociaux. C'est-à-dire qu'à travers la psychiatrie, ces mouvements-là, dans les années 60 et 70, en Italie et aussi en France, ils ont essayé de changer la société. Alors, je reviens donc à la question de l'utopie de la réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils nous disent toujours que c'est utopique, ce qu'on dit ici à Place de la République ou dans des mouvements, je dirais, alternatifs de la psychiatrie. Alors, la question c'est, je reprends, c'est qu'un psychiatre, encore une fois, Basaglia en Italie disait, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'utopie. Il y a une utopie qui vise la conservation de ce qu'il y a. C'est-à-dire, par exemple, je dirais un exemple pratique, c'est la gauche d'aujourd'hui, en Italie comme en France. Ils nous disent on doit aider les gens, on est de gauche, on doit essayer de faire participer la population. Souvent en Italie, il y a aussi ce type d'idées. Mais finalement, ce qui se passe, c'est tout autre chose. Donc c'est une utopie qui n'est pas vraiment une utopie, mais qui sert surtout à conserver. Ce qu'on propose, ce qu'on essaie de faire à travers la psychiatrie, mais pas que à travers la psychiatrie, et le mouvement de la Place de la République, je pense, participe à ça, c'est mettre des petits noyaux, des petits grains dans la société d'une utopie qui est en contradiction avec ce qui se passe. Par exemple, encore une fois, dans la pratique, qu'est-ce que je veux dire ? On pourrait faire, ce qui a été le cas aussi en France comme en Italie, faire des beaux endroits, des belles cliniques privées, par exemple, où, plus ou moins, on essaie de traiter la folie différemment. Donc, on ne fait pas d'isolement, pas de camisole, et voilà. Mais tout ça est limité, c'est-à-dire que est clôturé dans un immeuble, ou dans un jardin, ou dans des bois, et c'est clivé de la société. Par contre, c'est que ces mouvements-là, dont j'ai fait l'exemple, visent, c'est surtout la création de quelque chose qui est en contradiction dialectique avec la société. Et donc, à travers cette dialectique, tout le temps, reproposer cette utopie pour faire devenir une utopie, mais dans la réalité. Donc, l'utopie doit essayer de changer la réalité. Donc, dans le langage, souvent, on dit l'utopie est clivée, est différente, est loin de la réalité. Et justement, ces petits noyaux qu'on commence à faire pousser dans le terrain social sont des noyaux qui visent un changement. Alors, toute cette structure qui date donc de 40 ans est aujourd'hui en péril. Donc, je suis ici aussi pour vous dire que la loi travail, évidemment, c'est une question centrale, mais ça fait partie de toute une série de choses, une série de changements qu'il y a dans la société aujourd'hui, et notamment dans la psychiatrie. Psychiatrie, donc, j'espère avoir souligné que c'est pas que la psychiatrie en tant que médecine. Nous, on a affaire avec la société. Et plus on est limité, plus on est interne, plus on enferme, et moins de possibilités aura d'avoir des sujets différents dans cette société. Alors, moi, j'en discutais l'autre jour avec des collègues et on voit très bien que le nombre de contraintes, le nombre les fois qu'on utilise la chambre d'isolement, ça commence à augmenter. Pourquoi ça augmente aujourd'hui ? Parce que on est de plus en plus protocolisé et on est de plus en plus en difficulté par rapport au personnel. C'est-à-dire qu'avec les difficultés de budget qu'on a, on n'arrive plus à aller, par exemple, au domicile d'une personne. Donc, tout ça enlève la partie révolutionnaire de la psychiatrie. Donc, la psychiatrie devient de plus en plus objective, de plus en plus biologiste. Pourquoi ? Parce que ça nous enlève les armes pour redonner à la ville, à la société, ce qui est une partie de souffrance et qui pourrait être révolutionnaire. Donc, voilà. Je voulais juste tracer un peu ces lignes. Après, on peut discuter. Je voudrais pas trop prendre la place parce que justement, je suis ici pour interagir avec vous. Donc, voilà. Alors oui, non, c'est pas Viva l'Italie, parce que pourquoi? Parce que si vous voulez, je détaille un peu la situation en Italie. C'est pas du tout une bonne situation. Donc je suis pas ici pour faire la pub de l'Italie. D'ailleurs, je travaille ici. Donc, alors pourquoi? Parce que la loi, oui, en Italie, est sûrement la seule loi au monde actuellement qui enlève le concept de dangerosité comme un concept crucial, crucial pour la psychiatrie. Mais c'est une loi qui est le début. Et le début, ça veut dire que souvent, cette loi n'est pas appliquée. C'est-à-dire qu'en Italie, sur toutes les régions d'Italie, il y en a, je dirais, une qui respecte la loi. Autre chose, en Italie, cette loi a été sabotée. Pourquoi ? Parce que la moitié de la psychiatrie est gérée dans le public. L'autre moitié est totalement privée. Donc dans des cliniques où on ne sait pas ce qui se passe. Et donc les pratiques sont tout à fait différentes. Vous voyez comment la société, bah, je dirais, c'est un peu banal, mais le pouvoir a essayé aussi d'esquiver cette loi en proposant une psychiatrie de plus en plus privée, en détournant donc la loi qui est une bonne loi. Donc là, c'est pas du tout un rêve, mais il y a des éléments, des pratiques différentes dans certaines villes surtout. Bon, si vous voulez, je vous parle un peu plus de ce qui se passe dans les bonnes conditions de la psychiatrie italienne, sinon vous... Ouais. Bon. Alors, quand je parle de la psychiatrie italienne, la bonne psychiatrie italienne, je parle surtout de Trieste. Trieste, c'est une ville pas loin de Venise, donc le nord-ouest, nord-est de l'Italie. Je vous invite, si vous voulez, à y aller. C'est pas tellement une expérience de psychiatrie, c'est surtout une psychiatrie, c'est une expérience sociale, je dirais. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont fait, c'est essayer de construire des associations, comme il y en a aussi en France, et des groupes qui sont partagés. Donc, c'est-à-dire que les malades participent de plus en plus à la gestion du milieu psychiatrique, et je dirais, il y a une zone grise entre la psychiatrie et la société. C'est-à-dire qu'ils ont construit des structures qui sont des structures où vous pouvez retrouver des immigrés, par exemple, et il y a, par exemple, des aides aux immigrés, et il y a aussi les aides pour les personnes âgées, et il y a aussi des aides pour les personnes souffrantes psychiques. Donc ces zones qui sont intermédiaires sont cruciales pour réinsérer, ce que je vous disais, la psychiatrie et la souffrance psychique, mais tous les marginalisés, indépendamment que ce soit des malades psychiatriques ou pas, dans la société. Vous voyez bien que ce qu'ils ont fait, c'est un expériment, je dirais une expérimentation sociale. C'est-à-dire comment retrouver dans les éléments marginalisés de la société et comment les faire circuler leur type de discours. Donc les immigrés, les malades psychiatriques, les personnes souffrantes, aussi les personnes âgées, comment reprendre cette souffrance et la faire circuler dans la société pour donner un élan de changement social. Ce qui est fait en pratique. Aujourd'hui, ils nous font croire que la psychiatrie, c'est que des médicaments. Comme vous voyez, c'est pas que ça. Évidemment, les médicaments aident, on les utilise, mais ça dépend comment on les utilise. Et surtout, je dirais que la chose principale pour une personne qui est souffrante psychique, c'est surtout les choses qui sont de base pour nous. C'est-à-dire un travail, une maison, un appartement, une aide dans ce qu'elle fait. Quand on a résolu tout ça, on voit bien que la maladie psychique commence à reculer. C'est-à-dire que ce qu'on appelle maladie psychique devient de plus en plus faible, de plus en plus... je dirais on peut arriver presque à distinguer un peu mieux ce qu'on appelle maladie. Sinon ça devient totalement confus, sinon ça devient le marginalisé qui est malade psychique, qui est aussi sans SDF, qui est aussi chômeur. Donc vous voyez bien qu'on ne comprend plus rien, et le risque qu'on a, c'est de faire arriver en psychiatrie tout ce qui est marginal. Et ce qui se passe aujourd'hui est exactement ça. C'est-à-dire les chômeurs, on reçoit de plus en plus de chômeurs, il y a des études sur ça. C'est-à-dire que toute cette souffrance, nous on est chargé de la porter, mais finalement c'est ce qu'on ne comprend pas qui nous arrive. On ne comprend pas pourquoi il y a tellement de chômeurs, pourquoi ils sont déprimés. Alors c'est une maladie psychiatrique. Ils nous chargent de ça. Mais finalement, la structure psychiatrique ne devrait pas simplement accueillir, mais répondre différemment, reformuler la question. C'est-à-dire, ces chômeurs-là, ce n'est pas un problème de dépression. Donc reformuler la question, ça veut dire interagir avec la mairie, interagir avec la ville pour dire pourquoi il y a ces problèmes sociaux-là. Donc, reformuler la question. Sinon, on se retrouvera débordé de malades psychiatriques qui ne sont pas forcément des malades psychiatriques. Ou quand même, on n'arrive plus à repérer ce qui est malade ou pas. Déjà, c'est très très compliqué, donc je vous l'assure. Le capitalisme ? Bah, le capitalisme est une maladie ou pas, alors, je dirais que il a l'allure d'une maladie. Le problème, c'est concevoir quelque chose d'autre. C'est une maladie, je dirais oui, c'est un délire. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on n'arrive pas à concevoir quelque chose d'autre. Moi, je dis que délire, c'est quand vraiment on est tellement fixé sur une chose qu'on n'arrive pas à envisager d'autre. Capitalisme, oui, probablement c'est un délire. Parce que aujourd'hui, ils nous font croire qu'on est dans ce système et qu'on ne peut pas faire autrement. C'est justement cette utopie-là, une utopie conservatrice, qui nous fait croire que ce qu'on voit la réalité, ce n'est pas une idéologie, mais c'est une réalité objective et qu'on ne peut pas changer. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une réalité qui est une idéologie. C'est-à-dire que ce qu'on a, ces systèmes économiques, ce système social, est le fruit d'une idéologie, est le résultat d'une idéologie. Et le changement d'idéologie peut changer aussi la réalité. Donc c'est pour ça que je dirais oui, probablement le capitalisme, c'est une maladie dans le sens que c'est un délire et dont on est tellement envahi qu'on n'arrive pas à penser autrement. Alors, contre le délire, alors je dirais, la question c'est s'il y a des médicaments contre le délire. Alors, le délire capitaliste, je dirais que c'est quelque chose de tellement fin et tellement envahissant dans les racines de la société et tellement pervers, subtil, que c'est difficile. Le médicament pour un délire, c'est, à mon avis, trouver aussi d'autres perspectives. Alors, notre médicament aujourd'hui peut être celui-là, essayer de se souvenir du passé. C'est pour ça que j'ai cité l'Italie, la loi en Italie. Se souvenir de ce qu'il y a été, pour reprendre aussi un certain langage, pour ne pas être... s'il y a une sorte de sentiment d'honte aujourd'hui, quand on dit il y a des alternatives, un sentiment d'honte par rapport au fait d'être dans l'utopie. Mais l'utopie peut être quelque chose qui construit. Et je pense que c'est ça. C'est mettre des grains d'utopie dans cette société, comme Place de la République par exemple, c'est déjà une forme de traitement du délire. Qui a entraîné le désarroi soi-disant actuel, à savoir une forme de liberté non acceptable avec tout le monde. Il faut fermer sa gueule, c'est tout, il faut accepter le système, accepter d'aller chez Auchan, ne pas aller chez des producteurs indépendants, ne pas accepter de ne pas dépendre aussi d'une presse dépendante comme même Libération, mais une presse indépendante. Il faut sortir du système pour construire un nouveau système. Et ça, c'est une liberté individuelle. Jamais on n'y arrivera ensemble, on y arrivera tous ensemble. Oui, je voudrais juste citer une chose. Je pense que, dans le sens qu'on doit un peu rêver. Et je dis rêver parce que il y a une publication, un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, justement sur le sommeil. Et il montre comment, dans le dernier siècle, on a perdu au moins une heure de sommeil. Alors, je pense que c'est justement l'attaque au sommeil et au rêve. Oui, pas endormi, mais rêver, dormir pour rêver et pour imaginer d'autres choses. Oui, sûrement, c'est une chose même pratique, je dirais. Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Nikita, je suis soutien radical des réfugiés actuellement en train de monter un campement sur l'esplanade de Nathalie Sarraute, qui n'est pas totalement inconnue de la cause psychologique là. Et nous accueillons 120 migrants laissés pour compte des dernières évacuations sur le boulevard de la Chapelle, et ils auraient besoin, pour beaucoup d'entre eux, d'un soutien. D'un soutien psychologique. He's there. Donc, je m'adresse à vous pour, si vous, il y a des psychologues parmi vous qui avaient un peu de temps libre et que vous avez envie de traîner un peu sur l'esplanade Nathalie Sarraute dans le 18e à Paris, de venir parce que ces gens ont besoin d'écoute. Ces gens sont ballottés comme des sacs de riz entre les administrations, les frontières, se font tirer dessus par des balles en plastique en Macédonie, rescapés de naufrages. Vous connaissez l'histoire, il y en a plein la presse. S'il y avait parmi vous des bonnes âmes, j'aime pas le mot âme, mais bon, on va faire avec, qui pourriez venir traîner un peu sur l'esplanade de Pajol, Nathalie Sarraute dans le 18e, métro Stalingrad, pour offrir à ces gens ce dont ils ont finalement le plus besoin, c'est un peu d'écoute. Et s'il y a des professionnels de cette écoute, je pense que ça serait une chose utile. Ça, c'était pour ma petite annonce, vite fait, en passant. Deuxièmement, nous allons vers un changement dont, capitaliste, comme disait monsieur, il faut évoluer sur tout un tas de questions, et que je pense que la société a besoin aussi de ce changement d'un point de vue psychologique. On a peur, et que la psychologie me paraît être, moi, personnellement, un moyen de juguler cette peur en face de nouvelles donnes, de nouvelles données sociales, économiques, politique. Merci beaucoup, et si vous y avez des gens qui pouvaient passer à la Alpajol pour donner un peu de leur temps, il y a des psys chez vous, il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Et je voulais savoir ce que tu penses du langage comme méthode de constriction, par exemple, aussi bien dans la politique, les médias, etc. C'est toujours le même langage, lavage de cerveau intégral. Comment on peut faire pour résister et parler d'autre chose? Oui, la question du langage, je pense qu'elle est tout à fait centrale. Je pense que le capitalisme a réussi dans ses buts, dans ses... Pourquoi? Parce que finalement, ils ont vidé totalement le langage qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire que, comme je disais, par exemple, j'ai repris le mot utopie ou réalité. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ces mots-là ont perdu de valeur, sont totalement détournés. C'est une question un peu à la Orwell. Donc, on a subverti totalement le langage. Alors, comment faire? Je pense qu'il faut, déconstruire mot par mot ce qui s'est passé. C'est-à-dire, par exemple, et il y a des bases pour faire ça. C'est-à-dire, si vous lisez Foucault, il y a toutes des possibilités de faire ça. Hein. On comprendre l'histoire, par exemple, de la folie, ça veut dire déconstruire ce qu'ils nous disent par rapport à la folie. Comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, la psychiatrie qu'il y a aujourd'hui, c'est pas la révélation qui vient du ciel et de la science. C'est pas de tout ça. C'est une construction historique, économique surtout, et sociale, qui s'est fait au fil des siècles. Donc, probablement, il faut ça. Donc, à mon avis, il faut reprendre, étudier mot par mot, je dirais. Et je pense que ces initiatives-là de partage sont importantes aussi pour ça, pour rentrer dans les détails, ne pas s'arrêter à écouter, par exemple, la bonne nouvelle qu'ils nous adressent chaque jour aux infos. On a découvert le gène de ça. Désormais, on a compris que c'est la folie, la schizophrénie ou tout ça. Mais rentrer un peu plus dans les détails, essayer de se questionner, faire un exercice de critique tout le temps. Et c'est la seule possibilité que je vois. Sinon, c'est vrai que le langage dans la psychiatrie, comme dans toute la société, est un langage qui tourne en rond. On dit tout le temps la même chose avec différents mots qui est totalement détaché de la réalité. Et je vous porte mon expérience en psychiatrie parce que je le vois tous les jours. C'est-à-dire que je vois des collègues qui sont même considérés assez ouverts dans leur pratique, qui me disent des choses totalement clivées, des pratiques qui sont totalement en dehors de ce qu'ils disent. Et même des mouvements, même parmi les plus avancés, il y a malheureusement un clivage total. Alors, reprendre ces choses-là, mais aussi du côté de la pratique. Déconstruire le langage, ça veut dire, oui, on parle, mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, est-ce qu'il y a des chambres d'isolement? Est-ce qu'il y a des contentions? Est-ce qu'il y a... Quel est l'usage des médicaments? Ça veut dire ça, parce que sinon, j'ai l'impression que malheureusement, on parle beaucoup, mais on n'arrive pas à cerner ce qui se passe. Ça veut dire créer des espaces de parole pour les usagers. Ça veut dire mettre en question la hiérarchie aussi qu'il y a à l'hôpital. Ça veut dire tout ça. C'est un travail très long et je vous assure, c'est très très compliqué. Moi, j'essaie de le faire jour par jour, mais vous trouvez devant toute une bureaucratie qui n'est pas du tout facile à... et même des, je dirais, des positions de chacun qui défend, chacun défend son territoire. On est tellement dans l'insécurité que c'est difficile quand vous dites changer les rôles dans le, parce que la pratique de tout ce que je dis, c'est ça. C'est-à-dire que si on considère différemment le souffrant psychique, ça veut dire qu'il faut changer le rôle de cette personne dans la société. Alors, comment changer le rôle? Ça a été fait. Quand je vous ai parlé de ces expériences-là. Mais au prix de quoi? Au prix que les infirmiers, les médecins, les psychiatres doivent aussi se mettre en question. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas rester psychiatre et dire « Ah, prenez les médicaments, c'est tout. Ne parlez plus, taisez-vous. » Parce que moi, je suis psychiatre. Je ne peux pas utiliser ça. Donc, je ne peux pas utiliser l'ancienne méthode paternaliste, si vous voulez. Donc, ça veut dire mettre en question ce que je suis. Et aussi les infirmiers. Donc, tout ça est compliqué, est très compliqué, parce qu'on est attaché personnellement à ça. Et donc, on ne veut pas le mettre en question. Alors, probablement, des pratiques différentes pourraient mettre en question le langage aussi dont vous parlez. Bonjour. C'était pour revenir à la question, notamment sur les médias. Je pense que, à mon point de vue, on a maintenant, à l'heure actuelle, des outils qui nous permettent de décrédibiliser un petit peu ce qu'on nous dit dans les médias, notamment par les réseaux sociaux. Donc, de plus en plus de personnes prennent des vidéos. Et je pense que... Par exemple, ceux qui étaient à la manifestation, moi j'y étais, j'ai réussi à m'infiltrer un petit peu, c'était un peu compliqué, mais voilà. Juste mettre en lumière en fait certains actes, par exemple, qui peuvent se passer, et généralement on montre un peu, le gouvernement a envie de montrer un petit peu ce qu'il a envie, parce que notamment cette loi ne les arrange pas. Et vu qu'on est dans un contexte de l'euro, donc on préfère montrer justement ce qui va et nous mettre dans une situation avec le terrorisme, un peu dans l'insécurité. Donc c'est plus facile de faire passer une loi en sachant que bon, on présente les policiers comme les protecteurs. Ok, je sais pas si vous suivez un peu. Et donc je pense en fait au niveau de par rapport à la déconstruction des médias. Sans rentrer forcément dans l'idée capitalisme. Non, il y a ça, il y a de ça, mais au niveau de la question, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est juste que à l'heure actuelle, le gouvernement veut passer sa loi. Il a choisi de la passer de force. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il décrédibilise même le mouvement qui a lieu nuit debout, en disant que c'est comme si, en fait, tout le monde était des casseurs, tout le monde, en fait... je sais pas, n'avait pas son mot à dire parce que et donc on est tous associés, voilà, on est tous associés à des casseurs, donc en fait on est décrédibilisés. Donc déjà en fait pour les manifestations, je pense qu'on devrait arrêter ou virer en fait ces mecs qui foutent la merde parce que finalement ils décrédibilisent totalement le fait qu'on soit dans la rue en train de marcher. Donc et ça c'est un outil pour les médias en fait. On utilise en fait ces casseurs-là pour dire non, ils n'ont rien à faire dans la rue et voilà. Et hein ? Non, mais du coup voilà, je voulais. Non, mais en tout cas, j'ai voulu intervenir parce que je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est important et on doit réfléchir à comment on peut agir sans rentrer non plus dans la violence et dans. Voilà. Oui, bonjour. Pardonnerai mon accent. Je ne sais pas si je suis dans le sujet, mais moi, je me pose une vraie question sur la notion de la norme, de la normalité. Et il me semble que ce qui a vraiment changé depuis quelques années, c'est la qualité du regard sur l'autre. Et il me semble que cette perte de bienveillance vis-à-vis de l'autre, cette perte de tolérance, d'humanité, il me semble qu'elle met hors norme certaines personnes et qui peut effectivement dériver dans des problèmes psychiatriques ou je ne sais trop quoi. Et je m'interroge souvent pour savoir comment la société pourrait remettre la qualité dans le regard de l'autre, la bienveillance sur l'autre. Et je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Si quelqu'un peut m'aider, ça m'arrangerait. Je crois que l'éducation, ce n'est pas suffisant. Merci. Oui. Alors, je vous réponds. Après, j'essaie de dire ma position, mais c'est pas évidemment. Je parle en tant que citoyen toujours. Oui. Comment changer le regard sur aussi la souffrance et sur l'autre. Alors, je dirais que il y a ce type de travail là. On peut le faire si on est en contact. En contact, ça veut dire que on clive pas la souffrance de la société. C'est pour ça justement que les services psychiatriques sont pas comme la chirurgie, c'est-à-dire que vous avez pas l'hôpital avec la salle de chirurgie et la salle de psychiatrie. Donc c'est pas fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a des centres on n'a pas un centre, on est dans le territoire. Pourquoi? Tout ça devrait favoriser l'échange avec la population. C'est qu'on essaie de monter, c'est des activités, des ateliers, tout le temps avec les personnes souffrantes et avec les personnes normales. Pourquoi? Justement pour faire ce que vous envisagez, c'est-à-dire changer ses rapports à l'autre. Le regarder avec bienveillance, oui, mais aussi avec un esprit de partage et je dirais même de profiter de cette différence. Alors, ça c'est un type de psychiatrie. Aujourd'hui, c'est pas du tout on va pas vers ça. C'est pas la psychiatrie qu'on est en train de créer aujourd'hui à partir de juin juillet hein. Donc c'est pas, il régresse totalement. C'est plutôt Écoutez, vu que ça revient, alors sûrement vous avez cité plusieurs entre vous Jung ou la psychanalyse. Alors je pense que c'est pas en question d'orientation, c'est pas en question de psychanalyse. La psychanalyse a aidé à comprendre le sujet, à comprendre certaines dynamiques. Donc je pense que c'est très important. Mais je dirais que c'est une question d'abord politique et après c'est une question de type de psychiatrie ou de psychanalyse ou de phénoménologie ou d'autres orientations. Franchement, je vois pas pourquoi souvent c'est difficile de parler avec les collègues parce que on est dans une sorte de trincée, on est enfermé dans cette logique. Je suis psychanalyste, l'autre il est phénoménologue, l'autre est cognitiviste, l'autre on se comprend plus. Franchement, la question est d'abord politique. Donc il y a une question préalable à mon avis. Comment remettre la souffrance, dont un type de souffrance est la souffrance psychique, dans la société. Alors ça c'est un engagement politique, c'est pas un engagement c'est pas une question d'orientation. Donc voilà, je répondrai comme ça. Je vous dirai une expérience pratique. Il y a où, alors on essaie dans mon service de faire tout ça, d'aller vers la société, voilà. Donc on avait prévu une soirée au théâtre. Donc tous ensemble, ils sont allés, moi je pouvais pas, j'ai travaillé, mais bon, à l'intérieur. Et eux, ils ont travaillé dans le théâtre, c'est-à-dire ils ont accompagné les personnes au théâtre, les usagers au théâtre. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, une des personnes souffrantes, avant le début du spectacle, elle est rentrée, elle est montée sur la scène, elle a commencé à chanter. Nous, on a, en tant que travailleurs, on a toujours l'impression d'être, je sais pas, des extraterrestres. Donc, on est toujours dans la crainte. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je dois vous dire que elle a été bien accueillie. C'est-à-dire que les gens, il y en avait certains qui m'ont dit qu'ils avaient compris que c'était une partie de la pièce, et d'autres qui n'avaient pas compris ça, mais quand même, ils ont été assez bienveillants. Et même il y avait un type de la sécurité qui est venu, mais il n'est pas intervenu de force, je veux dire. Finalement, elle a terminé sa chanson et elle est partie elle-même. Et donc tout ça s'est bien déroulé. Je fais cet exemple-là pour vous dire, je pense que la société a énormément de ressources par rapport à souffrance psychique. Je pense que si on essaye, on peut avoir des très bons résultats. Et c'est pas du tout la société fasciste qu'on considère, parce que malheureusement la représentation de la folie et de la société qu'on a aujourd'hui, c'est la représentation filtrée aussi par les médias qui veulent qu'on soit une société raciste. Je pense que il pourrait y avoir aussi des surprises dans tout ça. Donc moi, je ferais les paris. Donc, au moins d'essayer. Par rapport à ce que vous disiez, évidemment, je peux vous donner ma position, qui est une position qui n'a rien à voir avec, qui a à voir avec la psychiatrie, mais qui n'est pas forcément directement liée à la psychiatrie. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il y a. Je suis d'accord sur le fait que la violence n'est pas un moyen privilégié de lutte. C'est-à-dire que c'est pas la première chose. Ceci dit, je comprends très bien que s'il y a une violence, il y a une réponse. C'est-à-dire que quand on fait une violence, par exemple, je dis toujours aux infirmiers, quand on va voir un patient chez lui, en lui disant « Vous devez venir avec nous », et on le prend de force, le patient s'agite, il réagit, et il casse tout. Et il a envie de nous casser la figure. Alors, je ne dis pas qu'il fait bien, mais je constate qu'il y a une violence, qu'il y a une réponse. Alors, ma question, c'est comment faire pour éviter tout ça? Comment faire pour arriver à ça? Je pense, mais ça c'est une position personnelle, je pense que on nous pointe toujours, il y a les casseurs, les casseurs, donc tout le mouvement, mais Attendez, mais je me suis posé la question il y a quelques jours. Mais est-ce que, je ne sais pas, pendant la Révolution française, on disait ils ont cassé une vitrine. Est-ce qu'on se rappelle de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on pense la Révolution française a été le casseur de vitrines? Non, on ne pense pas ça. Alors oui, il y a une violence. Moi, je pense que ça soit pas le moyen privilégié. Mais je pense que quand il y a une violence de la part de l'État, tellement fort et tellement continue, alors évidemment, il y a des réactions, il y a une frustration. Et je pense que ça arrive. Alors la question, à mon avis, serait comment faire pour éviter tout ça dans un esprit de collaboration? Mais je sais que parfois, ce n'est pas possible. Et donc, je remarque une autre chose, que dernièrement, les casseurs, ce qu'on appelle casseurs, sont souvent même applaudis et soutenus par la foule. Et je pense que ça, souvent, je ne dis pas toujours, hein, mais je constate ça. Il y a des manifestations. Il y a 10 ans, aux manifestations, les casseurs étaient, les casseurs. Même il n'y a pas longtemps. Là, ça commence à changer. Alors, je constate ça et je me demande... Est-ce qu'ils ne nous représentent pas un peu? Est-ce que les casseurs sont pas quelque chose qui a à voir avec nous? Après les... Pardon. Après, je sais pas, moi je suis plus attachée par exemple aux manifestations qui ont été menées par, je sais pas, Martin Luther King, Gandhi, où finalement il y a eu de la violence, mais derrière ça, ils ont pas, ils ont pas donné les moyens, par exemple, au gouvernement de dire, ah tiens, en fait, on peut finalement, dans ce contexte où on a un peu la crainte du terrorisme. Donc en fait, le gouvernement a la main sur la police en disant voilà, on va vous protéger, on prend toutes les mesures. Voilà. Je pense que si par exemple on continue à faire, enfin on manifeste, parce que j'ai des amis aussi qui deviennent de plus en plus en se disant mais on ne sait pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On balance des pavés ou on fait quoi? Je pense que ça servirait à rien parce que justement, ça donnerait un moyen au gouvernement de dire « Ah tiens, on va attaquer. » En fait, on peut les attaquer parce qu'ils sont violents. Et en fait, on décrédibilise totalement le pourquoi on est là. C'est ça en fait que j'essaye de dire. Donc peut-être qu'à la limite, on pourrait faire, en s'inspirant par exemple de ces modèles qui ont fonctionné finalement, parce que les luttes par exemple de Martin Luther King sur la ségrégation ont finalement abouti. Aussi au même titre que la lutte, je sais pas, après c'est une discussion, mais si par exemple on s'en prend peut-être sur la, on s'en prend plein la tête et qu'on filme ça aussi, peut-être que les gens autour, parce que les gens n'ont pas forcément envie de s'associer à des personnes, selon moi, qui cassent. Donc je pense qu'on a besoin d'être nombreux parce que ça touche pas que une catégorie de la population, mais ça touche beaucoup de personnes. Que ce soit les éboueurs, que ce soit les salariés, parce que voilà, je pense que on devrait rassembler plus de personnes et pas justement donner les moyens au gouvernement de nous attaquer sous prétexte que voilà, on casse des trucs. Donc voilà, c'est mon position. Mais La première violence, c'est celle de l'État, la violence d'État. Et le gouvernement, ça fait 3 mois que cette loi est passée. Il y a des manifestations, il y a eu des manifestations non violentes, et le gouvernement ne réagit pas, ne cède pas. Est-ce que moi, je suis Pour la non-violence, oui, on parle de certains contextes. Martin, on n'est pas à la même époque, dans la même situation qu'à l'époque de Martin Luther King. Et c'était aux États-Unis, et là, on est en France. Donc, c'est pas exactement la même chose. Moi, je soutiens, par exemple, le combat qui s'est passé aux États-Unis des Black Panthers. Ah ben voilà. Et Et donc, moi, j'irai pas personnellement casser des vitrines pour la bonne raison que je veux pas me retrouver au commissariat. Mais quand je vois des gens casser des banques, ça ne me dérange pas, parce qu'il y a les Panama Papers. Il y a les banquiers qui s'en mettent plein la poche et ils sont bien assurés. Donc ça me dérange pas. Par contre, qu'on s'attaque à un hôpital, c'est autre chose. Mais encore, il s'agit d'une personne. Et on ne sait pas ce que cette personne qui a brisé des vitres, par qui, si elle n'était pas payée pour faire ça, pour discréditer le mouvement. Donc, et la manif, il y avait 1 million de personnes. On parle de 800 casseurs sur 1 million de personnes. Mais le gouvernement, il a intérêt à se focaliser là-dessus. Parce que lui, il veut pas qu'on parle de la loi El Khomri. Il veut plus qu'on en parle de cette loi. Et il veut pas céder. Donc, il faut continuer le mouvement. Il faut continuer le mouvement. Et je vois que à Nuit Debout ici, il y a de moins en moins de monde. Il y a de moins en moins de monde. Là, on est samedi, il y a un peu plus de monde. Mais j'étais hier, il n'y avait pas grand monde. Par contre, il y a des Nuits Debout dans différents quartiers. Il y en a à Place des Fêtes, près de chez moi. Il y en a en banlieue. Il y en a dans différents quartiers de Paris. Et il y en a dans d'autres pays, il y en a aussi. D'accord, ok. Donc, ça sera tout pour le moment. Ouais, bah ça va être un peu décousu. Juste sur mon opinion sur les violences. Moi, je rejoins ton avis du coup sur les violences et je pense que, enfin, il y a plusieurs trucs déjà. Un, c'est vraiment ce qu'attend le gouvernement. C'est une voiture qui brûle. Ça lui permet de faire. Enfin, ça permet aux médias qui sont quand même détenus par des grands groupes, par des grands industriels ou par des gens très riches, de faire une sur une voiture qui brûle, ce qui donne quand même une image. En gros, tout le monde n'a pas et se reconnaît pas forcément dans ce genre de démarche de casser des voitures. Donc déjà d'une, et ensuite de deux, quand tu casses une vitrine d'une banque, tu t'en prends pas au Panama Papers. Celui qui va avoir peur, c'est le mec qui paye éventuellement le SMIC ou un tout petit peu plus le SMIC. Il y en a peut-être qui sont payés un peu plus dans la banque, mais finalement, majoritairement, c'est des employés qui peuvent être virés du jour au lendemain, notamment avec la loi El Khomri. Mais finalement, tu leur casses leur lieu de travail. Ça fait peur à eux, ça fait pas peur aux banquiers. Hein. Ça fait peur aux commerçants qui habitent à côté, ça fait peur aux passants qui sont passés. Ça fait peur aux habitants de la rue, mais ça fera jamais peur au gouvernement, ça lui fait plaisir. Il attend que ça, qu'il y ait une devanture de péter, comme ça, ça lui fait de la com pour décrédibiliser complètement les gens qui manifestent dans la bonne humeur et nombreux, effectivement, oui. Donc, ma petite opinion sur les... Mais après, ça ne fait pas du tout unanimité, et je crois qu'on n'arrive pas visiblement à Nuit Debout à avoir un consensus là-dessus, donc il y a des contre-arguments aussi, voilà. C'était juste pour dire que j'étais d'accord avec ta position et enfin ta vision de la psychiatrie, même si j'y connais rien. Mais je voulais donner un exemple qui me trottait dans la tête. Donc, si on prend des prisonniers d'une prison, il y a beaucoup de suicides, de maladies psychiatriques. Il y a beaucoup il y a vraiment des gros taux de suicides et de maladies psychiatriques, schizophrénie, bipolarité, tout ça. Et si on s'imagine une autre prison, admettons, où par exemple ce serait sur une île paradisiaque où il fait tout le temps beau, il y a toujours du soleil, il y a toujours des gens qui sont sympas, il y a de la nourriture à poison, on pense quand même qu'il y aura moins de suicides et moins de maladies psychiatriques. C'est peut-être un peu caricatural comme schéma, mais c'est pour dire que, ouais, effectivement, je pense en tout cas, et j'ai l'impression que c'est à peu près ce que tu disais, mais peut-être de manière un peu plus subtile, qu'il n'y a pas juste une maladie, un traitement, mais il y a aussi un contexte, et au final, c'est vrai que si la personne est en plus au chômage, qu'elle n'a pas forcément beaucoup de contacts sociaux, qu'elle a des problèmes financiers, qu'elle a pas de maison, forcément ça aide pas à se sentir bien dans la vie d'une manière générale. Et juste un exemple, autre chose, peut-être pas trop de rapport. J'avais fait de la randonnée, alors c'est vraiment une petite expérience personnelle. J'avais vu une association qui, en fait, il y avait un éducateur avec un adolescent de 15 à 18 ans, un truc comme ça, qui marchait comme ça. En gros, c'était des gamins, enfin des adolescents qui avaient des problèmes, je sais pas lesquels, et puis un éducateur. J'en avais croisé plusieurs, enfin deux en fait. Et je trouve que c'est super cool de, comme ça, vouloir changer le contexte aussi, et de changer le cadre et de donner éventuellement des valeurs. Ou il y a une école de voile qui s'appelle Les Glénans, qui était formée par d'anciens prisonniers qui ont essayé de savoir ce qu'ils pourraient faire en sortant de la prison. Alors je sais pas trop quelle époque, je crois que c'est après-guerre. Et donc ils ont construit une école de voile qui continue d'être dans une logique d'insertion comme ça et de changer aussi le monde. Et puis ça fait des contacts, ça fait un truc à faire, ça fait de la vie associative Et voilà, tout ce genre de trucs, c'est super cool. Et pareil, pour changer le regard sur les autres et sur les différences et tout, bah, il y a les lieux culturels, il y a tout ce genre de trucs, il n'y en a pas tant que ça. Et accessoirement, il y a beaucoup de lieux culturels qui ferment. Ce soir, j'avais prévu d'aller à la Maison de l'Arbre. Alors, je fais ma petite promo. Je connais pas très bien. Enfin, je suis déjà venu plusieurs fois. C'est un truc, une sorte de théâtre associatif un peu varié qui font plein de trucs variés, des concerts, des festivals divers. Il y a le festival de la CNT aussi la semaine prochaine. Je suis pas à la CNT, je fais pas la pub pour eux. Bref, c'est à Montreuil et ce lieu va fermer comme énormément d'autres lieux culturels. Donc voilà, bah, une réponse à. Enfin voilà, il y a des trucs qui existent et tout ce que tu disais, j'étais d'accord. Voilà, c'était pour me. Oui, c'est juste pour ajouter, nous aussi, pour apporter un autre exemple dans la pratique, on avait une collaboration, on a encore, avec ce qui reste, une collaboration avec une MJC, une maison jeune culture, et dans la banlieue sud de Paris, moi je travaille là-bas, et ce lieu, avec le changement à la mairie, ils l'ont fermé. Donc on a dû se battre, on a fait des manifs encore une fois pour essayer de garder quelque chose. Pourquoi ça nous affecte? Parce que justement on essaie de mettre en place des ateliers partagés avec la mairie pour faire ce type de travail, pour être avec eux et pas être plutôt ne pas être trop du côté de la médecine, mais être plutôt du côté de la société. Et donc travailler surtout dans d'autres lieux. On a des partenariats avec des théâtres, par exemple. Donc on fait des ateliers de théâtre, mais dans le théâtre, pas chez nous. C'est évidemment pour désinstitutionnaliser, donc sortir de l'institution totalitaire, l'hôpital, qui est l'asile quand même. Donc où il y a des règles assez encadrées. Donc voilà, sûrement les changements nous affectent, mais en même temps il y a plein d'expériences partout dans le monde, partout en France, et chaque expérience donne envie d'en faire d'autres. C'est un petit pas et nous on se bat sur ces petits pas là et chaque jour. Donc il y en a beaucoup. Je pense que il faut être assez optimiste d'un côté, parce que on n'a pas d'autre possibilité à mon avis. Soit on est optimiste, soit on est optimiste. Donc je pense que là il y a quand même des possibilités. Il y a des lieux où ça, des pratiques différentes sont très et innovatrices, sont très bien défendues. Donc il y en a en Île-de-France, et voilà, je pense qu'il faut des moments de rassemblement comme aujourd'hui. Il y a aussi la commission psy soins accueil. On essaie de se réunir autour de ces choses-là qui tiennent encore, pour les défendre, parce que moi, pour résumer, alors nous on est chargé. Alors, encore une fois, une phrase, une citation. Derrière chaque psychiatre, il y a un flic, il y a un matraque. Alors, c'est fort, mais je veux dire, nous, on est chargés d'un problème. Alors, la société est concernée. On peut pas s'en prendre aux flics ou aux psychiatres ou aux contrôleurs de la société, tout simplement. Si on veut construire une société différente, il faut concevoir la place de la folie ou de la marginalisation dans la société. À ce moment-là, je suis sûr qu'il y a plein de psychiatres, ou même plein de flics, je dirais, qui seraient prêts à changer. Moi, je suis assez optimiste en ça. Je le vois, il y a des collègues qui se battent pour ça. Donc, je pense que vous ne pouvez pas attendre le changement de la part de la psychiatrie. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut, mais je suis là pour vous dire on a besoin aussi d'un changement social, et c'est ça qu'on essaie de construire ici. Alors, moi, j'ai été interné un mois, et ce que je vais vous raconter est digne de ce que le raconte de la psychiatrie stalinienne. Mon bureau a été transformé en chambre à gaz. J'ai failli en mourir, et notamment j'ai failli en mourir de chagrin. Donc j'ai été hospitalisé et je suis tombé sur un psychiatre, un salopard. Au lieu d'avertir la police, du traitement que j'avais eu, on m'a fait une piqûre pour me faire taire. Et pendant un mois, on m'a refusé le droit de dire qu'on avait transformé mon bureau en chambre à gaz, le temps de le faire repeindre, avec interdiction d'ouvrir les portes et les fenêtres. Aujourd'hui, j'ai été manifesté, j'ai été gazé dans les yeux par la police. J'ai porté plainte. Ce que je vous dis est actuellement entre les mains de la police des polices. On verra ce que fera la police. Chaque fois que je vous dis devant vous, chaque fois que j'ai eu affaire à la police, ils m'ont torturé. Une fois, ils m'ont retrouvé inanimé sur le trottoir. Au lieu de me laisser aller, parce que c'est comme des chasseurs, il faut qu'ils ramènent quelque chose au commissariat ou aux urgences. Ils m'ont fait relever et en fait, ils ont attendu à ce que je m'écroule à nouveau, comme dans les films de Goulak. Voilà ce que j'ai à dire. Bonjour. Mon fils a été interné pendant un mois dans un hôpital psychiatrique et ça m'a permis d'observer où en était la psychiatrie aujourd'hui. J'étais très proche de l'antipsychiatrie prônée par Deleuze et Guattari il y a 30 ans de ça, donc c'est une vieille histoire, quoi. Et j'ai observé où en était la psychiatrie aujourd'hui. Ce ne sont que des fournisseurs de neuroleptiques, d'hypnotiques, et ils sont là uniquement pour relayer ce que fait la police et la justice, quoi. Tous les gens qui sont considérés comme anormaux et qui ne soient pas capables de s'insérer dans cette société, on les file soit en prison, soit en psychiatrie, et cela perdure. Et c'est une observation là vécue récemment. Je pense que le monde de la santé mentale est une prise de conscience à effectuer, parce que là c'est ça suffit, quoi. Ça suffit. Tous les gens anormaux. Et qu'est-ce que la normalité aujourd'hui? Qu'est-ce que la normalité aujourd'hui? Serait-ce de devoir s'insérer dans une société néolibérale, quoi. Et tout ce qui est contraire à cette insertion dans une société de la normalité libérale serait totalement canalisé par ce monde psychiatrique. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser par rapport à ce qu'est le monde psychiatrique aujourd'hui. Vraiment, là, je me pose la question. Et au bout de 30 ans de réflexion à travers ce qu'est la folie. Qu'est-ce que la folie? Voilà. Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la normalité? Je terminerai là-dessus. Et questionnement. Juste pour dire, on va devoir passer à l'intervention suivante, donc on va prendre une ou deux remarques et puis on passera à l'intervention suivante. Moi aussi, j'ai fait une dépression en 2006 et j'ai été pendant 6 semaines à l'hôpital psychiatrique, mais j'ai pas eu la même expérience que le monsieur. Moi, j'ai eu une assez bonne expérience. Je me suis présenté moi-même à l'hôpital psychiatrique à Nantes, parce que je suis originaire de Nantes, j'étais sur Paris, j'avais fait une TS mais qui avait échoué, et je suis resté, TS c'est un, tout le monde sait ce que ça veut dire, tentative de suicide, avec des médicaments, et je suis resté 6 semaines à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, et bon, il y avait 2 types de fous, il y avait les plus fous et les moins fous. Moi, j'étais dans le du côté des moins fous. Il y avait 2 endroits, mais c'est assez marquant, quoi. Je voyais une personne qui marchait de long en large, qui était avec un journal, qui lisait pas. Je voyais quelqu'un qui s'est buté contre les vitres. Mais par contre, ce qui était positif, c'est qu'on nous faisait participer. On nous faisait, par exemple, laver la vaisselle, mettre les tables, mettre les couverts. Et donc, moi, je m'en suis sorti au bout de 6 semaines et j'ai pas eu une mauvaise expérience. Oui. Alors, au contraire de tout ce qu'on entend, moi, je suis quelqu'un de parfaitement intégré. Le public que je reçois repart en disant éventuellement que je suis un don du ciel. Ça fait 40 ans que je tiens tête par rapport à mon milieu professionnel et j'estime que c'est moi qui ai raison. Même si je suis seul contre tout le monde, c'est moi qui ai raison. Ne serait-ce que parce que le public me plébiscite. Maintenant, une chose à propos du milieu psychiatrique lui-même. Le cadre B, l'encadrement B, se plaint du cadre A. Le cadre A qui détient le pouvoir, détient un pouvoir absolu. Et le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc éventuellement, c'est l'encadrement B psychiatrie qui m'a demandé de me plaindre et que ma plainte puisse faire bouger les choses. Merci pour ce témoignage et je pense que vous voyez bien que il y a des possibilités, des expériences différentes et moi, encore une fois, je pense que alors je pour vous donner mon expérience tout simple de jeune psychiatre, quand j'ai commencé à étudier la psychiatrie, je venais d'un milieu un peu différent, j'étais chercheur dans la neurologie et qui est une discipline tout à fait différente. Et je me suis aperçu que vraiment dans la psychiatrie il y avait vraiment rien de sûr, que tout ce que j'appelais méthode scientifique et tout ça était vraiment difficile à appliquer. Et donc j'ai trouvé plein de failles. Et quand même, c'est vrai, il y a les neuroleptiques, il y a les médicaments et tout ça. On essaie de faire avec ce qu'on a. Je pense que nous, en tant que soignants, on doit partir du principe qu'on n'a pas une réponse, une seule réponse, que surtout on maîtrise pas, on contrôle pas. Donc, si on maîtrise pas, on peut pas contrôler totalement et bien, et on veut pas surtout. Donc, je dirais que ça c'est le début pour nous. Pour la société, je dirais que le début pourrait être comprendre que la science n'a pas, au moins en psychiatrie et aussi dans d'autres domaines, n'a pas une réponse unique et forte à toutes les souffrances. Donc la question c'est comment construire une société qui puisse faire circuler la souffrance sans l'étouffer avec une réponse unique. Voilà.